toi tu restes là. Oh Jésus qui est comme toi, tu es l'amour de ma vie. Pas élevé ce matin. Malasie, Malasie, Malasie, Malasie, Malasie, Oh. D'adorer ce roi de rois. Rien, que ce soit la maladie. À un certain moment, il faut dire à cette maladie, qui es-tu, maladie, devant Jésus? Qui es-tu? Qui es-tu devant ce grand roi? Tu ne peux pas m'empêcher de le louer. Tu ne peux pas m'empêcher de le célébrer. Puisque lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Quel que soit son nom, Jésus est au-dessus de cette maladie-là. Le nom de Jésus est au-dessus de ce que tu crois comme empêchement de l'adorer. Rien ne peut t'empêcher de l'élever, de l'adorer. Aucune circonstance, aucune situation ne va m'empêcher de célébrer Jésus.

Est-ce que tu as un pika comme on avec lesquels? Tu as fait un mwimbo moya, un mwimbo moya na sema. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si nate na na boka, si wazi kongo pa kintu, jundani yangu mugula na pita biote bia dunia. Oh, muntu angu funiko na ye. Yesu. Oh, muntu angu funiko na ye. Yesu. Oh, champion wetu wa famille. Yesu. Oh, yenjo espoir yetu. Yesu. Sina tena na boka, siwezi kuongopa kintu. Jundani yangu mukula na pita biote bia dunia. Oh, muntu anguvu niko na ye. Yesu. Oh, muntu anguvu niko na ye. Yesu. Oh, champion wetu wa famille. Yesu. Oh, yenjo espoire yetu. Yesu. Ongopisa magumu malari matatizo ni nanyule. Yesu. Le vrai commando wetu wa bia kweri. Yesu. Oh, muntu anguvu niko na ye. Yesu. Est-ce que tu kuimba kwa chupate pamoja? Oh, muntu anguvu niko na ye. Yesu. Oh, champion wetu wa famille. Yesu. Pale baba pana Mungu tuimbe. Enjoy espoir yetu. Yesu. Bongo pisa magumu malari matatizo ni nanyule. Yesu. Le vrai commando wetu wa bia kweri. Yesu. Bari njo tusha kutoka na weye. Tutabiatia nini Mungu tutazeka na weye. Bari baba njo tusha kutoka na we Mungu. Tutabiatia nini Yesu tutazeka. Hatu kwanze na we leo. Bari njo tusha kutoka na weye. Siya ba. Tutabiatia nini Mungu tutazeka na weye. Hatu kwanze na we leo Mungu. Bari njo tusha kutoka na weye. Tutabiatia nini Mungu tutazeka na weye. Oh, imwimbo, imwimbo, imwimbo baba. Imwimbo mina chunga mitembi yaka batoto mitazala. Bari baba njo tusha kutoka na we Mungu. Tutakuatia nini Yesu tutazeka. Atu kwanze na we leo. Bari njo tusha kutoka na weye. Siya ba. Tutabiatia nini Mungu tutazeka. Tu kwanza na wale wa Mungu. Bari njo tusha kutoka na weye. Asika tunazi kusimamia kwa sibote yulu tuluwe pamoya. Asika tunazi kusimamia kwa yulu sibote. Oh, bari njo tusha kutoka na we Yesu. Tutakuatia nini Mungu tutazeka. Atu kwanze na we leo. Bari njo tusha kutoka na weye. Siya ba. Tutakuatia nini Mungu tutazeka na weye. Atu kwanze na we leo Mungu. Bari njo tusha kutoka na weye. Tutakuatia nini Mungu tutazeka na weye. Bwana Yesu ni weye. Bwana Yesu ni weye. Neema yako Bwana lelele. Bwana Yesu ni wewe. Bwana lelele. Bwana Yesu ni wewe. Bwana Yesu ni wewe. Tunaishi leo kwa neema yako. Mutaya detes ulitukumbukaka. Mutaya magonjwa ulitutunzaka Mungu wangu. Ile salufu lurikongola Mungu rikatala kufungula baba. Tunaishi leo kwa neema yako. Iki twiko ina kwa nguvu ya bantu. Iki twiko siye. Neema yako emoyo. Haina taku ofrandu vya kuimba mzuri Mungu. Tunaishi leo kwa neema yako. Wana Yesu wangu. Sipote Mungu ngumu. Bwana Yesu ni wewe. Wana mitu na yuwana vya Mungu wa. Bwana Yesu ni wewe. Tunaishi leo nyama pa dunia. Wanjo unaiwaka bwingi ya michi na bwingi wa bantu Mungu. Wanjo unapigisaka mvula mumashamba pazuri na baba ya Yesu. Unaishi leo kwa neema yako. Wanjo unaiwaka bwingi ya banyama pa dunia. Wanjo unaiwaka bwingi ya michi na bwingi wa bantu Mungu. Wanjo unapigisaka mvula mumashamba pazuri na baba ya Yesu. O Bwana Yesu wangu, usipate mangungu Yesu, wana vitu na yuwana vya Mungu Yesu, unastahili vyote vyangu babe, unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo. Baba baba baba ngumie unastahili mwimbo yangu Mungu ya kutaka kuro. Unastahili mwimbo ule mtu riponesa kulufu. Unastahili vyote vyangu ya baba ya baba. Unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo. Sipote tunalala kabusiku Mungu wangu tunasabu. Ipaka tukishutuke busubuhi njo tunakumbuka kakile fiko. Wanjo sefu we celebre, celebre, celebre, celebre Emmanuel, celebre, celebre, celebre le roi, celebre Sabahot, celebre Jésus, celebre, celebre Eta bololo, bololo, bololo, bololo, bololo. Jubilé, alléluia. Oh jubilé, alléluia. Oh jubilé. Jubilé. On y va. Allez, moto. Avec les applaudissements. Asema Mungu na staili vyote byangu. Bala mwimbia Mungu, bala mchezea. Bien-aimé, nini wewe unafanya mbele ya Mungu? Ils ont chanté pour Dieu, ils ont dansé pour Dieu. Le mouvement juste ya kupika mikono, il y a des gens qui en cherchent ce matin. Est-ce que quelqu'un peut avoir cette chance-là. Ya kumupikia uyu Mungu mikono. Ya kusema unastahili yote yangu. Unastahili sifa yangu. Unastahili maabudu yangu. Unastahili louange yangu. Alléluia. Pendant ce temps, la chorale nous donne aussi un cantique de louange. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons louer notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Oh yes! Chakuwa wewe ndugu, utamutumikia nandie. Mimi na nyumba kuba wewe ndugu tamutumikia nani ulala ulala ulala bora Yesu we obina kawapi Mutumikia bwana chakuba wewe ndugu utamutumikia nani ye mimi na nyumba yangu nitamutumikia bwana chakuba wewe ndugu utamutumikia nani na nyumba yangu nitamutumikia bwana chakuba wewe ndugu utamutumikia nani ombio ombio ombio ombio simama twende simama twende Moile lolo bilibela eh Asali na bomo ile lolo bilibela Oh asali na bomo ile lolo bilibela eh Asali na bomo ile lolo bilibela Oh asali na bomo ile lolo bilibela eh Asali na bomo ile lolo bilibela Eh kolo Yesu yakae kolo Yesu yakae Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Yaka Yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu yaka Ekolo Yesu fini, oh, c'est fini. Bravo, Nicolas. Votre place est la mienne. Il a laissé la gloire. Il a pris toute sa gloire. Il a jeté ça aux pieds. Il est entré dans la maison de Zachée, la maison où les gens ne pouvaient pas fréquenter à cause de sa mauvaise vie. Mais après le passage de Jésus, les choses ont changé dans la vie de Zachée. C'est comme ça qu'il est entré aussi dans votre vie. Il est entré aussi dans ma vie. Par rapport à la mauvaise vie que nous avions avant, Jésus est venu tout changer. Il nous appelle ses enfants. Nous avons bénéficié du royaume de Dieu, du royaume du Père. Voilà pourquoi nous l'adorons, parce qu'il a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il a donné sa vie. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et nous voulons lui ressembler. Nous voulons marcher comme lui. Si nous voulons marcher comme lui, nous devons nous sacrifier comme lui. Donner nos vies pour les autres. Donner nos vies pour l'humanité. Comme on l'a chanté ici. Moi et ma maison. Qu'est-ce que tu fais de ta maison. Où sont tes enfants? Par reconnaissance au roi, nous allons laisser le trône. Nous allons lui laisser la place. Nous allons lui dire, c'est toi qui mérites. Tu as pris ma place. Voilà pourquoi je descends au devant de ta face. Toi qui mérites. Je ne pouvais pas donner pour rien. Je ne pouvais pas donner un pour mon père. Je ne pouvais pas donner pour mes enfants. Mais toi tu as accepté de laisser la gloire à cause de moi, Seigneur. comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Parce que tu es merveilleux. Tu es tout ce que nous avons dans la vie. Mais nous savons que tu es un grand Dieu. Tu es capable de tout. Quiconque s'appuie sur toi ne sera jamais confus. Tu éloignes la confusion de tes enfants. Tu éloignes la honte de nos yeux. Quand on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Merci, Jéhovah. Je te bénis ce matin. Tu bénis ton nom. Il est grand. Il est redoutable. Il est puissant. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuika. Je voulais recevoir quelques visiteurs ce matin. Napenda kupokelea wageni wachache ya asubuhi. Avant d'écouter la parole de Dieu. Kabla kusikia neno la Mungu. Je suis dans la joie de recevoir des hommes de Dieu. Na kwa katika furaha kupokea tena watumishi wa Mungu. que j'aime bien dans le Seigneur. Et qui me font beaucoup de bien. Dans la vie, il y a toujours de bonnes rencontres. Qu'il faut préserver. C'est très important. Alors ce matin, je suis dans la joie de voir au milieu de nous le prophète Jadot. Est-ce qu'il peut se lever? Nous allons l'accueillir. Merci prophète, que Dieu te bénisse. Je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. J'aime échanger avec lui sur beaucoup de choses. Et je suis toujours béni. En fait, que Dieu vous bénisse abondamment. À côté de lui, il y a le pasteur Giovanni. Il peut se lever aussi, nous voulons le recevoir. Dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie. Il y a le prophète Joe Miché aussi. Nabi Joe Miché. Lève-toi aussi, nous allons le recevoir. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je vois le frère Franck. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut le recevoir aussi à la maison? Nous bénissons le Seigneur. Je vois la maman du frère Elvis. Maman, levez-vous. Est-ce qu'on peut l'accueillir aussi dans la maison de Dieu? Nous sommes dans la joie de vous voir. Elle vient de Lubumbashi. Anatokea ku Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, maman, veuillez vous asseoir. Mungu amibariki, mnaweza kuika. Alléluia. Amina. Et je vois aussi le couple du pasteur King David. Naona Josi ya pasteur King David. Est-ce qu'il peut se lever? Wanaweza nao kusimama. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Mungu amibariki, pastori. Nous sommes dans la joie de vous voir. Tunakuwa katika furaha tena kwa kuweza kuniona. Je vous ai vu de loin comme un flash. Niliweza tu kuniona mbali. Et j'étais déjà content. Na nilikuwa katika furaha. Alléluia. Amina. Alors, je crois qu'avant de continuer, kabla kuweza kuendelea, je vous donne 10 minutes. Na mikabila dakika 10 tu. OK, vous pouvez nous aider pour accompagner le pasteur. Je vais kusindikiza pastori. Il va nous bénir aussi. Atatubariki naye. Alléluia. Amina. Soyez libre dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il la joie ce matin dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie avec des acclamations? Est-ce qu'on peut le manifester puissamment avec des acclamations et des cris de joie ce matin? J'aimerais sincèrement dire merci au pasteur pour la grâce qui m'est faite ce matin. Ainsi qu'à maman, merci beaucoup. Je suis dans la joie de me retrouver en ces lieux. C'est pour moi la première fois d'être à l'ICACI. Et je bénis Dieu pour ces genres d'œuvres qui est en train de se faire en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Frères et sœurs, vous savez, j'ai lu un texte dans la Bible qui m'a beaucoup béni. Avant qu'on ne puisse louer Dieu ce matin, la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres 16, que Paul et Silas étaient retenus dans une prison. Et la Bible dit au milieu de la nuit. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin au milieu de la nuit? La Bible dit Paul et Silas étaient en train de chanter des louanges de Dieu et ils étaient en train de prier. Et j'aime beaucoup les détails que la Bible donne. La Bible dit tous les prisonniers les entendaient. Aidez-moi encore à dire à votre voisin tous les prisonniers les entendaient. Et la Bible dit, tout à coup, il se fit un tremblement des terres, de telle en sorte que les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tous les prisonniers ont loué Dieu? Aide-moi à répondre. Est-ce que tous les prisonniers ont loué Dieu? C'est Paul et Silas qui ont loué Dieu. Mais la Bible dit que lorsque... me dit que lorsque la visitation de Dieu est arrivée, il n'y avait pas que les chaînes de Paul et Silas qui sont tombées, mais les chaînes de tous les prisonniers. La louange n'affecte pas seulement celui qui loue, elle affecte aussi celui qui peut entendre. Alors ce matin, si tu peux pousser un cri de joie de manière à ce que même ceux qui sont dehors... Voilà, tu as compris. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu de bruit en ces lieux, de manière à affecter même nos familles, à affecter même les passants? J'ai pensé que quelqu'un allait se lever pour pousser ses cris de joie. Est-ce que quelqu'un pousse un grand cri de joie pour Jésus? Alléluia. Nanyango na kokani sana yo na likolo pawana se pona katia monte manangai. Je ne connais qu'un seul amour, Nzambo yandima komi kabaye komi pesa mobimba mokonzi ya kokana nyonso oza nyonso amotu ya nangai. J'aimerais le chanter juste avec l'église. Tu vas le dire très fort. Nanyango nako kanisa na yo, dis-le. Nanyango nako nalikolo pawana se. Je ne connais qu'un seul amour, Nzambo yandima. Tu le fais bien. Komi aux agneaux soit motouya. Yeah. Aux agneaux soit motou. Tu vas le faire encore une dernière fois. Nanyango, nanango. Yeah. Bonakatia, je ne connais qu'un seul amour. Zambo yandima, komi pesa mobimba, ah, mokonzi, ozanyo swa motuya, Seyo Yesu Nzambe awanga naka ngaite atangai nazangi. Dis-le encore avec moi. Moninga ya tango nyoso. Dis-le très fort. Moninga nanga. Tu le fais bien. Awanga nakangate bongo bapota ya motema, bapota ya motema nazala kikatie. Yahweh, est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Bapota ya motema ye. Oka usi yango. Nazala kikati. Yonde moninga nanga ya Nazala qui katie. On va finir par ici. Tambonga na sukaka. Ndekombo na bengaka. Ebuka kabangomba. Eyela kanga nyoso. Tambonga na sukaka. De Congo na benaka et ça la canini et buka kaba et la kanganyonso. J'aime quand il dit kololo bakina ngaye kololo bakina ko et Congo na benaka na kombo mosusute. Toye, toye, pana onkolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Lopite. Toye, toye, pana onkolo. Bisoto tiki. Salabika mwa lelo lelo. Obite. Dile encore toye pana yo. Toye pana yo kolo. To salinini. Bisoto tiki banda kuye. Salabika mwa. Salabika mwa lelo lelo. Na chombo lelo. Toye, toye. Salini, salabika mwale, ipuke alola, efongwa melinga, ipuke alola. Est-ce que tu peux le déclarer? Moyo kilo sambo, ayando linga. Sambo nanga pa meme lango Yesu. Angeluna zambe bayelinga. Pazwalo sambo nanga pa meme lango Yesu. Angeluna zambe bayelinga. Pazwa mituna nanga pa meme lango Yesu. Angeluna zambe bayelinga. Pazwa ba problem nanga. Même l'ango Yesu. Bazwa mikumba na yo. Même l'ango Yesu. Bazwa bozito na yo. Même l'ango Yesu. Porte encore Chama c'est porte encore ce matin Oh yeah. Shukale. Beta beta maboko. Bakisa maboko. Beta beta maboko. Estoko bakisa mololo mololo. Naoki mololo ya bana na sursote. Si si si pour Jésus. Ye bana ma rombi. Shukale. Ye baba ma rombi baba. Shukale. Ure sabarote sabarote. Shukale. Avec moi, ya ya ya ya ya ya, c'est un amour de Dieu. C'est un amour de Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Si passo la lola jolingi zomona, passo la lola jolingi zomona. Leva yaka yaka yaka yaka, yaka yaka yaka yaka. Si passo la lola jolingi zomona, si passo la lola jolingi zomona. Amina lele, amina lele, amina lele, motema nangaye, etondi na posa na yo. Simba motema, simba motema, loba na tongwa lelo motema nangeza na posa ya Nzambe. Soko bakisi mololo kosala bien. Motema nangaye, etondi na posa na yo. Mote mananga ye, etondi mananga ye, etondi mananga ye, etondi mananga ye, Mote mananga ye, ah, amina yo yo yo, amina yo yo yo, amina yo yo yo yo, amina yo yo yo yo, amina yo yo yo yo, amina yo yo. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta beta maboko, amina yo yo yo. Amina yo yo yo, amina, amina fonge la bele, amina yo yo yo, amina huka bashene, amina yo yo yo, amina salabi kamoe, amina yo yo yo, amina yo yo yo, amina yo yo, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Mete maboko. Mika mikono. Ai, zambia zaele. Waki sabi kele kele. Mika wapi. Velo bien, velo bien, velo bien, velo bien, velo bien, velo bien, tu vois. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot, tu as le dernier mot, Jésus, tu as le dernier mot, le dernier mot, dans ma vie, tu as le dernier mot, le dernier mot, Tu es le dernier. Tu es le dernier. Dans mon combat. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Oh, tu es le dernier. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Tu es le dernier. Jésus. Nous nous inclinons en prière. Je veux que tu recommandes ton cœur au Seigneur ce matin. Parce que Dieu veut te parler. Il y a quelque chose de merveilleux ce matin qui va changer ta vie. Taweza kubadirisha maisha yako. Elevu tawa kumasa benulisa. Nyanyua sauti yako na wanse kuomba. Alleluia. Père, nous te disons merci. Baba, tunasema ksant. Merci pour le Saint-Esprit. Aksanti kwa jili ya Roho Mtakatifu. Qui nous garantit de la victoire dans nos vies. Je bénis le nom de Jésus ce matin. Qui est roi et seigneur en ces lieux. Seigneur, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Merci pour ta présence. Nous te bénissons. Maintenant et à jamais. Gloire à toi. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acte chapitre 9, versets 10 à 20. Acte chapitre 9. Matendo ya mitume sura yake ya kenda. Verset 10 à 20. Mustari wake wa 10 paka makumi mbili. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Basi palikuwa ku Damasi mwanafunzi jina lake Anania. Je lis seulement en français pour gagner le temps. Amen. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand j'étais en déplacement, le Seigneur m'a donné ce message. Wakati ndikuwa katika usafiri, Mungu alinipa hii mstari. Et c'est comme ça que je le donne aujourd'hui ou je l'ai introduit, je ne sais pas. Nani hivi naleta leo na nafanya kama kiingilio. Le thème de ce matin. Na kisina kia asubuhi. Ne te trompe pas d'adversaire. Usidanganyike na mpinzaji wako. Dis à ton voisin. Semana jirani wako. Ne te trompe pas d'adversaire dans la vie. Usidanganyike na mpingamizi wako. Maisha. Ne te trompe pas d'adversaire. Usidanganyike na mpingamizi. Bien aimé, il y a des choses profondes que Dieu veut nous dire ce matin. Wapenda kuna bintu bya uketo bile Mungu anapenda kutuambia asubuhi. Pourquoi tant de chrétiens perdent beaucoup de batailles dans leur vie? Juanini wa Kristo wa mingi wana ngushaka vita mu maisha yao. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas assez. Aina kwa sababu abaombe zaidi. Mais ils combattent un mauvais ennemi. Lakini wako napiga vita adui mubaya. Tu combats un mauvais adversaire. Uko napiga vita mpingamizi mubaya. Tu combats un mauvais ennemi. Uko napiga vita adui ule amujue. La première chose à faire dans la vie. Kitu kya kwanza kikaweza kufanya maisha. C'est de savoir qui est ton ennemi. Unapasha kujua adui wako ni nani. Qui est ton adversaire? Mpingamizi wako ni nani? Malheureusement, nous ne savons pas toujours très bien. Mara mingi sisi hatujuake vizuri. Si l'on n'est pas éclairé par l'Esprit de Dieu. Kama tu atuweze kuwekewa huu kupitia roho wa Bwana. De qui il s'agit? Nani nani inafadhali? Ferme tes yeux et lève ta main. Finika macho yako na unyanyue mkono. Seigneur, aide-moi ce matin. Bwana unisaidie hii asubuhi. À ne pas me tromper d'adversaire dans la vie. Nisipate kudanganyika na mpinzani. À ne pas combattre le mauvais ennemi. Nisipate kupiga vita mpinzani mbaya. Aide-moi, Seigneur. Unisaidie Bwana. À connaître réellement. Nipate kujua kwa hakika. Qui est mon adversaire? Mpinzani wangu ni nani? Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Je vais essayer d'expliquer en 5 points. Nitafasiria tu kuma nukta tano. Premièrement, je vais parler de la mission dans la mission. Ya kwanza nitasemezea hata utuma ndani ya utuma. Deuxièmement, je voulais parler des astuces du diable. Sasa ya pili nitasemezea hata makazi ya shetani. Pour te pousser à te tromper d'adversaire. Juu ya kukusukuma upate kudanganyika mpinzani wako. Troisièmement, je voulais parler des conséquences de confondre d'adversaire. Ya tatu nitasemezea matokeo mubaya ya kuweza kuweka kumfuruga kwa mpinzani wako. Quatrièmement, nous allons voir finalement qui est notre vrai adversaire. Na ya ine tutaweza kuona uhakika ni nani mpinzani wetu. Et cinquièmement, nous allons prier. Na ya tano tutaweza kuomba. La mission dans la mission. Kaji ndani ya kaji. Les astuces du diable pour te pousser à te tromper d'adversaire. Les conséquences dans la vie quand tu confonds d'adversaire. Qui est notre vrai adversaire? Après, nous allons prier. Je voulais donner le plan. pour que nous puissions suivre ensemble correctement et gagner le temps. Alors, la mission dans la mission. Paul reçoit Saul. Paul, anciennement appelé Saul, il reçoit les lettres de mission de la part des souverains sacrificateurs et de tout le collège qui était à Jérusalem. Objectif: aller à Damas pour lier les chrétiens et les amener à Jérusalem liés. Paul reçoit une mission du souverain sacrificateur. Il reçoit une mission des autorités ecclésiastiques. On lui dit: va nous arrêter ces gens-là. Et la Bible me dit quelque part, pendant ce moment-là, bien-aimé, Paul était rempli. Il respirait le meurtre des chrétiens, des disciples. Il va dire au souverain sacrificateur: donnez-moi l'ordre pour aller à Damas en Syrie. Je vais arrêter les chrétiens, les amener liés parce que c'est une nouvelle doctrine qui dérange. On lui donne l'autorisation. On lui donne la mission d'aller. Paul est sur le chemin de la mission vers Damas. Étant sur le chemin de cette mission, le Seigneur va l'arrêter pour lui donner une autre mission. Oh, j'ai dit à quelqu'un: tu as une mission que les hommes t'ont donnée, que tu t'es donnée, que le monde t'a donnée, que ta famille t'a donnée. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'arrêtera pour te donner sa propre mission. Alléluia. La vraie identité, c'est quand on a la mission du Seigneur. Et la mission de Dieu a certaines caractéristiques. Il y en a plusieurs. Mais je vais prendre 5 points essentiels. Cette mission d'abord n'était pas connue de Paul. Donc il y a une mission que Dieu veut te donner, que tu ne connais pas encore dans ta vie. Frères et sœurs, tout ce qui va arriver dans ta vie, tu ne connais pas tout. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est Dieu qui connaît. Donc il y a une mission que Dieu connaît qui n'est pas connue de toi. Donc la première chose, généralement, la mission de Dieu envers nous n'est même pas connue de nous-mêmes. Alléluia. Plusieurs, ceux qui sont aujourd'hui, ils n'ont même pas rêvé de ça. La Bible dit: ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, il y a même des choses qui ne sont jamais montées à ton cœur. Tu te retrouves un jour dans un Boeing 787. Mais Dieu a préparé pour toi. Alléluia. La mission dans la mission. Une mission non connue de Paul. Deuxièmement, la mission que Dieu donne à ses enfants, parfois elle n'est même pas connue de l'Église. Donc même le pasteur ne connaît pas la mission que Dieu a avec toi. Et nous, quand nous sommes bergers, nous essayons seulement de conduire pour que toi-même tu rencontres Dieu, que Mishan et Naï. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu a des problèmes dans l'église, nous aussi, en tant que serviteurs, nous posons des questions à Dieu. La mission que Dieu a avec toi n'est même pas connue de l'église. N'est pas connue de ton voisin, de ta voisine. Troisième chose. La mission n'était pas connue des sacrificateurs. Pour eux, Paul va arrêter les gens à Damas. Mais Dieu avait une autre mission. Oh bien-aimé, les lois des hommes, le programme des hommes te poussent ou te pousseront peut-être un jour à être dans le programme de Dieu seul. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que pendant ce temps-là, Dieu cherchait Paul. Quatrièmement, quand Paul est tombé, ceux qui étaient avec lui écoutaient la voix, mais ne savaient pas ce qu'il en était. Ne laisse pas les gens qui t'accompagnent t'arrêter dans ta mission avec le Seigneur. Dieu n'a jamais dit qu'on t'accompagne, on t'accompagnera. Mais la mission, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les gens qui t'accompagnent. Alléluia. La mission, ce n'est pas pour les gens qui t'accompagnent. C'est pour toi. Toi qui es accompagné, fais attention. Toi aussi qui accompagne, fais aussi attention. Alléluia. Cinquièmement, j'aime le verset 5. On peut nous mettre le verset 5 de Actes chapitre 9. La Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est le verset 3, mes amis. Tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La mission que Dieu te donne se réalise dans le temps et au lieu fixé par le Seigneur. Elle se réalisera dans le temps et au lieu fixé par le Seigneur. Quand j'étais étudiant, je me suis battu pour aller en Europe. Comme à l'époque, tous les étudiants à l'Unikin. Mes amis, Europe. Un de mes amis, Canada. Ça n'a pas marché. Un jour, même à l'époque, on nous a dit non, il y a des instructeurs américains qui sont venus au camp Tchatché. On va recruter parmi les étudiants et on va prendre. Nous sommes partis faire le footing pour rien. Au camp Tchatché là. Kitambo, tout ça. On a couru pour rien. Je suis jamais allé en Europe. Parce que ce n'était pas le lieu et le temps de la mission que Dieu m'avait confiée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je croise les amis là où ils sont. Et nous bénissons ensemble le Seigneur. Ta mission a un temps que Dieu a fixé. Ta mission a un lieu que Dieu a fixé. Frères et sœurs, Dieu ne se trompe pas. Ta présence là où il te veut a un objectif. Alléluia. Voilà ce Paul là. La lumière vient sur son chemin. Au temps que Dieu a fixé. Et la Bible nous dit tout à coup. Frères et sœurs, je comprends une chose. La vie d'un homme peut changer en une seconde. Alléluia. La vie d'un homme n'a pas besoin de temps. Elle peut changer en une seconde. Aujourd'hui, il suffit qu'une ordonnance tombe. Ta vie change. Tout à coup, au temps fixé, au lieu fixé, les choses ont changé. C'était un autre. Ce n'est pas celui que le sacrificateur a envoyé. C'était un autre monsieur. Il ne voyait plus. Mais il avait une mission divine. Oh frères et sœurs, même si tu ne vois pas aujourd'hui, tu verras demain parce que tu as une mission divine. Alléluia. Alléluia. Les gens pensaient que Paul était tombé. Que c'était fini pour lui. Non, bien-aimé, il devait se relever. Dieu devait le relever pour l'amener à accomplir la mission. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand tu as une mission avec le Seigneur te relèvera toujours. Toujours et toujours. Pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc, il y a une mission dans la mission. Dans la mission de nos vies. Sur le chemin de nos vies, Dieu sait nous prendre et nous confier d'autres missions. Alléluia. Dieu sait nous prendre et confier d'autres missions. Dans les missions que nous avons. Je suis arrivé à Likasi pour la première fois quand je ne suis pas né à Likasi. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je me posais toujours des questions. Lorsque j'ai commencé à comprendre un peu. Et je me suis rappelé de Saül. On parle juste de Saul, de Saül. Pendant que tu cherches les années perdues, Dieu a une mission avec toi. Alléluia. Alléluia. Le travail m'a mené ici à Likasi. Ingénieur, tout ça. Mais Dieu me cherchait pour me donner à devenir son serviteur. Alors que moi, j'ai cherché les ânes dans ma vie. Dieu a une mission avec toi. Dans les petites choses que tu cherches, Dieu te réserve des grandes choses. Alléluia. Saül ne s'était pas rendu compte. Il cherchait toujours les ânes. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui a la mission doit faire attention. Celui qui accompagne aussi doit faire attention. Heureusement que son serviteur lui a dit, ne te décourage pas. Il y a des gens qui n'accomplissent pas la mission parce qu'autour d'eux, malheureusement, il y a des gens qui ne leur ont pas donné de bons conseils. Si le serviteur de Saül avait dit, non, non, rentrons. Et puis, tu n'as même pas de pain pour donner au prophète. Il ne serait pas devenu roi. Oh, je bénis le Seigneur pour tout celui qui m'a aidé dans ma vie, dans le plan de Dieu. Toi aussi, bénis le Seigneur pour tout celui qui t'a donné un conseil pour t'aider à accomplir la mission divine. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, les bons amis sont rares dans la vie. Et quand on les a, on doit bien les garder. Amen. Deuxième chose, les astuces du diable pour te pousser à te tromper d'adversaire. Voilà, ici c'est le centre de notre message. Paul arrive presque aveugle à Damas. Il ne voit pas. Il est affamé. Pas parce qu'il a voulu jeûner, mais il ne savait même pas voir ou comment manger. Et quand il arrive, il se met à prier. Pendant qu'il prie, il y a Dieu dit à un autre chrétien, ici je vais parler vraiment aux chrétiens. Je veux nous parler à nous les enfants de Dieu. Il y avait un disciple à Damas, disciple connu, qui s'appelait Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répond à Dieu, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans telle rue et tu trouveras un nommé Saul de Tarse. Va prier pour lui. Ananias confond d'adversaire. Mais dans la vie, souvent nous confondons nos ennemis. Aujourd'hui, il y a des maisons détruites. L'homme a confondu l'adversaire. Il a pensé que c'est sa femme. La femme a confondu l'adversaire. Il a pensé que c'est son mari. Les enfants ont confondu l'adversaire. Ils ont pensé que c'est leurs parents. L'église a confondu l'adversaire en pensant que c'est le pasteur. Le pasteur aussi confond l'adversaire. Il pense que c'est l'église. Il y a une confusion. Parce que nous confondons évidemment nos adversaires. Je ne parle pas seulement des païens. Dans l'église, dans nos maisons, combien de ravages parce qu'on a confondu d'ennemis. Ananias répond à Dieu. On peut mettre le verset 13. J'ai peut-être 4 points sur le verset 13. On nous met le verset 13. Bien aimé, quand j'ai lu, j'ai relu ce verset, ça m'a dérangé. Regardez ce qu'Ananias est en train de dire à Dieu. Il refuse d'aller imposer les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue. Il pense que Paul, c'est un adversaire qui est venu à Damas. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ta femme n'est pas ton adversaire. Ton mari n'est pas ton adversaire. Ta tante, ton oncle, ton grand-père. Il dit à Dieu, j'ai appris de plusieurs personnes. Je m'arrête d'abord là. Première chose qui nous fait confondre d'adversaire, c'est que nous entendons beaucoup de gens vivent des catastrophes parce qu'ils ont agi par rapport à ce qu'ils entendent. J'ai appris ce que tu entends te fera tromper des cibles un jour. Il y a des foyers brisés La femme a entendu. L'homme a entendu. Il y a des églises brisées. On entend. Il y a des sociétés brisées. Il y a des amitiés brisées. Parce que tu as entendu. Et de qui? De plusieurs personnes. Donc Ananias là, ses oreilles étaient en train d'écouter les hommes, mais n'écoutait pas Dieu alors qu'il était disciple. Beaucoup de gens, il y a des mois, nous avons des oreilles vers les hommes. Il y en a qui vont même demander aux hommes, on a ces manini. Tu peux le demander aux hommes, qu'est-ce que vous en dites? Enfant de Dieu. Nous devons relire la Bible autrement et enseigner des choses correctement. Vous savez, un jour, Saül, le roi, vient de la victoire. David a renversé Goliath. Spontanément, les femmes viennent chanter la joie. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Ce n'est pas Saül qui a demandé. Ce n'est pas David qui a demandé. Les femmes, pour exprimer leur joie, ont chanté. Saül entend. Il dit, ah bon? Moi, on me donne 1000. Et ce petit garçon, on lui donne 10 000. Et depuis lors, il a pris la décision de tuer David. Plusieurs sont tués parce que des hommes ou des femmes ont entendu des choses. Il m'arrivait seulement d'entrer dans des réunions. Tu te demandes, membre Nandjiawap. Non, on a entendu. Tu entends des maisons. L'homme dit non, j'ai entendu. Oh, je prie le Seigneur que nos oreilles entendre de bonnes choses. Alléluia. Prie que tes oreilles entendent de bonnes choses. Prie que Dieu te donne la maîtrise. Le filtre spirituel de tout ce que tu auras appris. Donc, premièrement, il a dit, j'ai appris. C'est ce que Ananias a dit à Dieu. J'ai appris de plusieurs personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Tout le mal que cet homme a fait. Je prends a fait. C'est au passé. Le mal passé. Ce n'est pas le présent. Beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée. Confondent les adversaires à cause du passé des hommes. À cause du passé. Et il suppose que la personne ne changera jamais. Beaucoup de gens continuent à souffrir à cause de leur passé. Même quand ils viennent à l'église, ils disent, non, j'ai changé. Paul a expliqué. J'ai changé, on ne te croit pas. Et les juifs ont décidé de tuer Paul. Pourquoi? On dit tout le mal qu'il a fait. Non, un homme n'est pas un chien. Alléluia. Un homme n'est pas un chien. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a un proverbe, je vais le dire en swahili, je n'ai pas trouvé la traduction française. Je ne sais pas s'il existe un bon dictionnaire en français. Une fois, j'étais dans une réunion à Lubumbashi, quelqu'un m'a donné cette expression. Je l'ai appelé, je lui ai serré la main, j'ai dit, tu m'as appris quelque chose de bien. Asama Imboa. Vous connaissez ça? Donc, Ariba Kanyama Zaman. Il a volé l'argent. Il est parti. Kishana Kouye. Depuis, il est rentré encore. On a dit seulement qu'on commence à taper les chiens. On a commencé juste à fouer. En fait, la réalité, ce n'est pas parce que le chien est venu déranger. Le monsieur s'est rappelé que ce chien-là, il avait volé l'année passée mon os. Je vais l'achever. Et commence à taper le chien. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal hier qu'aujourd'hui il ne changera pas. Et même dans l'église, on trouve des gens comme ça. Non, bien-aimé, Ananias dit à Dieu, il a fait. Donc il a un passé chargé. Dieu, tu ne sais pas ce monsieur. Il a un passé chargé. Ça ne lui permet pas d'être chrétien. Non, bien-aimé. Mais pourquoi nous évangélisons? C'est pour que ceux qui ont de mauvais passés viennent au Seigneur et nous croyons qu'ils vont changer. Mais l'Église ne croit pas souvent que l'homme peut changer. Et souvent, quand quelqu'un vient à l'Église, il subit la même pression qu'il avait à l'extérieur. À un moment donné, il dit non, je rentre carrément là-bas. Église, ne continuons pas à charger les gens de leur passé. Tout le mal que cet homme a fait. Non, bien-aimé, l'homme peut changer. Je continue à croire qu'il peut changer. L'homme peut changer, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. L'homme peut changer. Même les mauvaises choses peuvent un jour donner de bonnes choses. Alléluia. Vous savez que les mauvaises choses peuvent un jour donner de bonnes choses. Il ne faut pas considérer toujours le mal des autres. Je m'imagine si Élie avait tenu compte du mal de corbeau, il n'allait pas manger le gâteau. Vous savez, alors qu'il était fatigué, la solution qui était à portée de la main de Dieu. Non, non. La solution qui était à la portée de la main de Dieu. C'était le corbeau qui devait lui amener le pain. Parfois, dans la main de Dieu, il y a des païens qui doivent t'aider. Mais si toi, tu ne comprends pas, tu risques de rater ton gâteau et de rester affamé et de mourir sur le chemin. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Quand ils voient le corbeau venir avec le gâteau, le pain et la viande, ils disent non, non, moi je ne prends pas pour le corbeau. Le corbeau a dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh frères et sœurs, il y a un corbeau que Dieu t'a envoyé avec la viande et le pain pour résoudre ton problème. Alléluia. Troisième chose, nous sommes toujours dans ce verset. Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait. Écoutez ce qu'il dit. À tes seins, Au lieu de dire même au saint, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, à tes saints, à toi Dieu. Dieu a chongali chez Mungu. Songi, songi. Ça nous fait rater de comprendre qui est notre adversaire. À tes saints, à toi. Pour que Dieu se sente dans sa chair et dit non, non. Paul ici n'est pas sérieux. Il y a des fidèles comme ça. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Non, bien-aimé. Le rapport que nous donnons, comment nous le donnons? Parfois, il n'y a même pas un grand problème. Le rapport que nous donnons, l'homme sort de la chambre. Il regarde son neveu. Il dit, tu emballes tes histoires dehors. Le neveu ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Le rapport reçu. Tu étais bien avec le pasteur. Un jour tu viens, le pasteur a ça coup changé. Dehors. Je ne veux pas de toi. Pourquoi? Le rapport. Le rapport. Ananias a donné un mauvais rapport. Quel est le rapport que nous donnons? Et ici, je dis qu'Ananias est disciple. Beaucoup de gens sont victimes, souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont victimes de mauvais rapports sur leur vie. Alléluia. Je ne parle pas seulement dans l'église, dans les maisons, dans les sociétés, dans le pays, dans les amitiés, dans les familles. Beaucoup de gens souffrent parce que victimes des mauvais rapports. Verset 14. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Oh, j'aime Dieu. Dieu ne juge pas les choses suivant les émotions des hommes. Bien-aimé, Dieu est digne de confiance. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. J'ai déjà entendu des gens dans la prière. Au lieu de prier, il se lamente. Il accuse son mari. Il accuse sa femme. Il accuse son pasteur. Il accuse son président de chorale. Basakunyoneya. Mais je te mets ma famille. Mon moukanisa. Mon mounisaïdie. Et il pleure même. Il pense qu'en pleurant, il va toucher l'émotion de Dieu. Vous dites que non. Mon moukana moukana bouloum. Avion moukana kouté soa. Achamil kousemele. Ça, ça ouais quoi, conducteur ou chorale. Dieu fait ce qui est juste. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Ananias, pars. Arrête ces choses. Tu as entendu, c'est bien. Il a un mauvais passé, c'est bien. Il a lié, il vient lier mes saints, c'est bien. Mais maintenant là, pars. Il n'y a pas d'émotion. Il y a la mission, frères et sœurs, dans la vie. Si vous voulez avancer, soyez comme Dieu. Arrêtez les émotions. Chers pentecôtistes, arrêtons les émotions. Il y a la vision de Dieu. Il y a la mission de Dieu. Il y a la raison. Beaucoup de gens veulent mettre les émotions avant. Ça ne marche pas. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Oh bien-aimé, même si tu pleures, si tu as tort, tu as tort. Le monde, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Rentre seulement dans la vision de Dieu et avance. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Alléluia. Troisièmement, conséquence de confondre l'adversaire. Quelles sont les conséquences quand on a confondu les adversaires? On me met le verset 15, on va y aller rapidement. Conséquence qu'on a confondu les adversaires. Nous sommes au verset 15. Dieu lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Quand tu confonds d'adversaires ou d'ennemis dans ta vie, tu vas mépriser ou détruire l'instrument que Dieu met à ta disposition. Beaucoup de gens se retrouvent sans instrument. Parce qu'ils ont méprisé, ils ont confondu d'adversaire. Ils ont pris leur allié comme adversaire, qui pouvait leur donner des instruments pour le combat. Ils se retrouvent dans le combat sans instruments. Oh bien-aimé, plusieurs personnes ont méprisé les instruments. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du corbeau et de Élie. Deuxième chose, il dit, c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom. Frères et sœurs, si tu confonds d'adversaire, il y a des niveaux dans la vie que tu n'atteindras jamais. Dieu dit pour porter mon nom. Donc pour élever le nom de Dieu, pour amener le don de Dieu quelque part, pour transporter le nom de Dieu quelque part. Quand on confond les adversaires, il y a des niveaux qu'on ne sait plus atteindre dans la vie. Ton père n'est pas ton adversaire. Ta femme n'est pas ton adversaire. Ta tante, ton mari, ton pasteur. Nous verrons qui est notre adversaire. Regardez l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, verset 20. Il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Donc ils ont pris Joseph comme adversaire. Heureusement pour eux. Parce que Joseph avait une mission de porter le nom de Dieu. Donc il y a des dimensions qui seront inaccessibles. Il y a des dimensions qui seront inaccessibles. C'était impossible à Jacob de voir les yeux de Pharaon. Même à Ruben, même à tout le monde. Ne confonds pas les adversaires. Frères et sœurs, ne confondons pas les adversaires. Dieu lui dit, il devait porter le nom, mon nom. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je ne vais pas trop entrer en détail, on court derrière le temps. Écoutez, Dieu dit il devait porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Dieu dit très bien, les nations, c'est nous. L'évangile devait commencer par les nations, les rois, pour terminer par Israël, pour que Jésus revienne dans sa deuxième venue. N'eût été Paul pour porter l'évangile aux nations. Parce que dans Actes des Apôtres, il y a presque deux choses. Du premier, je pense, jusqu'au 8e, bon, il y a aussi le verset 10 qui prend Pierre. On parle de Pierre. Et le reste parle de Paul. Donc, Paul devait porter l'évangile aux nations. Ok, je me souviens que dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit que cette bonne nouvelle devait être prêchée dans toutes les nations et après viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, si tu empêches que ce soit prêché, c'est que tu bloques l'évangile, tu bloques même la venue de Jésus. Donc, mine de rien, Ananias a commencé à déranger le plan de Dieu. Quand tu confonds les adversaires, tu déranges le plan de Dieu. Le plan de salut. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Ta mère doit être sauvée. Ta tante doit être sauvée. Ton oncle doit être sauvé. Quand tu les prends comme sorciers, tu déranges le plan de leur salut. Ils ne sont pas tes adversaires. Les familles se déchirent. Les mariages se déchirent. Oh bien-aimé, il devait porter l'évangile au roi. Combien de gens prêchent l'évangile aux gens élevés ici? Combien de gens prêchent l'évangile aux autorités? Même au milieu de nous. D'abord, pour prêcher l'évangile à une autorité, il faut y aller. C'est encore un problème. Donc, pour prêcher l'évangile à un ministre, il faut un jour être en contact avec le ministre. Non? Ce qui n'est pas évident. Pour prêcher l'évangile au président de la République, il faut un jour être en contact avec le président de la République. Ce qui n'est pas évident. Aux autorités, la même chose. Alors, Dieu a choisi Paul. Il a créé par rapport à son niveau des situations pour qu'il accède aux autorités. Souvenez-vous, on n'a pas le temps, du proconsul Sergius. Souvenez-vous des autres proconsuls. Agrippa et les autres. Paul leur a parlé. Souvent, nous n'avons pas l'occasion, nous n'avons pas le courage, l'opportunité, le temps de parler. D'ailleurs, même les chrétiens, quand on prend une autorité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en présence d'une autorité, la tendance c'est quoi? Mais Paul n'a pas fait ça. Il a prêché l'évangile. Il dit, je souhaite que tu sois comme moi, en dehors de ces chaînes. Il dit, mais Paul, ton intelligence te rend fou. Et dans peu de temps, tu vas me demander de me convertir. Il dit oui, si pas aujourd'hui, mais prochainement. Oh, bien-aimé. Mais Ananias ne connaissait pas le plan de Dieu. Pour lui, il dit à Dieu, non, non, Dieu, laisse Paul tranquille. On ne doit rien faire pour lui. Oh, il y a des gens que tu as disqualifiés. Pourtant, Dieu a besoin d'eux pour accomplir un plan. Vous savez, même quand vous construisez une église, combien de chrétiens sont des maçons? Combien sont des charpentiers? Combien savent mettre les tôles? Donc vous comprenez très bien, confondre les ennemis dans la vie, c'est perdre même sa destinée. C'est perdre la mission que Dieu nous donne. Ce matin, je te prie de recadrer les choses. Si Paul n'était pas dans le navire qui allait à Rome, tous devaient mourir. Vous savez, parfois dans la maison, nous avons chassé des gens qui pouvaient nous faire du bien aujourd'hui. Ces enfants-là priaient pour nous. Ces enfants-là pouvaient travailler pour nous. Faire la vaisselle, nettoyer les habits. Toi, tu les as chassés. Parce qu'on t'a dit qu'ils étaient mauvais. Tu as appris. Tu as vu le mal. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, que Dieu nous aide à recadrer les choses. C'est important dans la maison de Dieu. C'est important dans la maison de Dieu. Vous savez, tu peux parler en langue et rater ta destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'erreur. Le peuple traversera le pays, il sera affamé, fatigué. Et beaucoup de gens, à cause de ça, ils ont maudit Dieu. Parce qu'il n'y a pas eu de changement. Qui est alors notre ennemi adversaire? Et nous allons chuter par là. Éphésiens chapitre 6 verset 12, rapidement. Éphésiens chapitre 5 verset 12. Qui est notre ennemi? Éphésiens chapitre 6 verset 12. Chapitre 6. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre adversaire. La Bible dit que le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Cette sorcière-là, le vrai adversaire, c'est l'esprit qui est derrière elle. Chasse l'esprit. Combat cet esprit-là. Combat cette domination-là. Ces principautés-là. Ce sont eux nos adversaires. D'ailleurs, pour résoudre le problème de ces esprits-là, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce qu'il savait qu'il y avait des esprits méchants. Il nous a donné le Saint-Esprit. Pour chasser tous les esprits méchants. Ce sont nos adversaires. Et notre vrai adversaire reste le diable. Oh bien-aimé, ce matin, ne confonds pas d'adversaire. Ne confonds pas les ennemis. Comprends une chose. Aie du discernement. Même si vous avez un problème, tu as un problème dans ta maison. Entre dans ta chambre. Chasse l'esprit de rancœur. Laisse madame tranquille. Laisse monsieur tranquille. Occupe-toi de l'esprit de rancœur. Occupe-toi de l'esprit d'avarice. D'avarice. Chasse cet esprit-là. Et après viens. Combat cet esprit. Il y a des gens qui sont mauvais littéralement. C'est un esprit. C'est un esprit. Nous devons combattre cet esprit. Oh bien-aimé, je me l'ai compris. Pour gagner le temps, ne confonds pas d'adversaire. Alors, deux sujets de prière. Le premier sujet, je me l'ai toi-même d'abord, tu as avec le Seigneur. Toutes les fois où tu as confondu d'adversaire dans ta vie, dis: Seigneur, fais-moi grâce. J'ai confondu les adversaires dans ma vie. Je pensais que c'était ma femme, c'était mon fils dans ce dossier, c'était mon frère dans l'église, c'était le choriste, c'était l'ancien, c'était le diacre, c'était mon chef. Je pensais. Mais je veux d'abord que chacun de nous soit sincère avec le Seigneur. Que nous puissions prier. Parce que pendant longtemps, nous avons confondu d'adversaires. Pendant longtemps, nous avons pris pour ennemis ceux qui n'étaient pas nos ennemis. Uto Shetani. Non. Shetani na mwingia. Donc ennemi a naye. Ennemi ni Shetani. L'ennemi c'est le diable. Nous voulons d'abord prier, bien aimé. Dans la vie il y a des dégâts. Et l'ennemi nous a poussé à la confusion. Mais que le Seigneur nous aide ce matin. D'abord j'aimerais que tu pries. Tu dis: Seigneur, j'ai confondu d'adversaires dans ma vie. Et tous les problèmes que j'ai, c'est parce que j'ai confondu d'adversaires. Des années. Dans ma maison, j'ai confondu d'adversaires. Il y a même dans l'église des gens que je prends comme adversaires, alors qu'ils ne le sont pas. Élève ta voix, commence à prier seulement. Je voudrais que tu pries, bien-aimé. Je voudrais que tu implores la miséricorde de Dieu. Dans ton cœur, ouvre ton cœur maintenant. Pourquoi tu as confondu tes adversaires? Qui est ton adversaire? Oh, qu'est-ce que tu juges comme adversaire? Implore la miséricorde de Dieu. Nous allons nous approcher de la table de Dieu ce matin. Nous voulons avoir un cœur pur. Parce que la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Bien-aimés, nous avons confondu d'ennemis. Nous avons confondu les adversaires dans nos vies. Et nous avons raté beaucoup de choses. Je prie le Seigneur ce matin qu'il te fasse grâce, qu'il nous fasse grâce de ne pas confondre les ennemis. Nous perdons les batailles dans la vie parce que nous combattons un mauvais ennemi. Et le vrai ennemi se cache. Oh frères et sœurs, le vrai ennemi s'est caché. Tu as combattu le faux ennemi. Tu as combattu le faux ennemi. Ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie pour ma vie à moi. J'ai confondu aussi les adversaires dans ma vie, dans mon travail, dans ma maison, dans l'église, dans ma vie, sur mon chemin, dans ma famille. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Que la parole de ce matin m'aide à recadrer les choses dans ma vie. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur bien-aimé, arrange ton cœur, parce que tu as confondu l'adversaire. Tu as confondu l'adversaire. Ce matin, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit t'aide. Il y a des dimensions que Dieu te réserve. Il y a une mission que Dieu te réserve. Tu es dans le plan de Dieu. Fais attention de ne pas confondre ton adversaire. Pour réussir, tu dois cibler le vrai adversaire sur qui tu dois diriger tous tes efforts et tout ton combat. Même la maladie que tu as, ne confonds pas les adversaires. J'aimerais qu'on se tienne debout pendant une minute. Puisque tu as réalisé, maintenant tu vas te concentrer sur le vrai ennemi, c'est-à-dire le diable. Comme on l'a vu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais que tu pries pendant une minute. Tu vas prier très fortement pendant une minute. Tous les esprits méchants dans ta vie, dans ta maison, dans ton environnement, dans tous les domaines de ta vie. Mais j'aimerais pendant une minute, tu pries, bien aimé. La vie peut changer en une seconde. En une seconde. Et c'est aujourd'hui, sur le chemin de ta vie, que Dieu va te visiter. Et je voudrais pendant une minute, tu vas prier. Tu vas chasser tous ces esprits qui sont nos vrais ennemis. Dans le mariage, au travail, dans l'église, dans le ministère. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Tu tapes tes mains, tu pries. Tape tes mains, commence à prier. Chasse tes esprits. Au nom de Jésus. Chasse tes esprits dans ton mariage. Chasse tes esprits dans ta maison. Chasse tes esprits dans ta vie. Chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse. Esprit méchant dans la vie de mes enfants, dans la vie de l'église, dans mon mariage, dans le travail, dans le ministère, dans ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse, chasse, chasse, chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les chassons ce matin, au nom de Jésus. Merci. Par la même occasion, je vais bénir la table de ce matin. Jésus a compris que le vrai ennemi, c'était le diable qu'il fallait vaincre à la croix. Il a compris. Même quand Pierre sortait son épée, il dit, remets ton épée. Le vrai ennemi que je dois vaincre, c'est le diable. Une des armes que Dieu nous a données, c'est la Sainte Seine. Aujourd'hui, on sait ça comme une arme pour vaincre les ennemis de ta vie. Les ennemis de ta vie. Lève tes mains là où tu es. Pendant qu'on chante ce que tu nous vois pour comment on pense. Bien-aimé, aujourd'hui, qu'aucun ennemi ne puisse résister. Il y a des ennemis qui ont résisté à la première plaie, à la deuxième plaie. Mais quand il s'agissait du sang, Pharaon a lâché. Aujourd'hui, le vrai ennemi est démasqué. C'est le diable. Et nous allons le vaincre par le sang de Jésus. Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous avons voulu partager la table ce matin. Quand tu prendras cette table, commence à proclamer la victoire. Parce que tu marches dans la victoire. Tu as localisé le vrai ennemi. Commence à proclamer la victoire du sang de Jésus sur tes ennemis. Je vais bénir la table. Et puis nous allons nous asseoir dans une attitude de prière. Et puis, je vais dire comment nous allons partager cette table aujourd'hui pour aller vite. Seigneur, merci. Tu nous dis quand vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je prie maintenant pour ce pain et pour cette coupe qui symbolise le corps et le sang de Jésus. Que cette table soit sanctifiée. Que cette table soit une arme. Aujourd'hui, dans notre détresse, nous avons identifié le vrai adversaire. Et nous voulons proclamer la victoire acquise à la croix. Dans notre mariage, dans notre travail, dans notre famille, dans notre église, dans tous les domaines de notre vie, sur cet adversaire qui est le diable. C'est pourquoi je bénis cette table. Que je recommande entre tes mains. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans une attitude de prière. Les anciens et les diacres peuvent s'approcher. Alléluia. Oh bien-aimé, ne perds pas de vue ton ennemi ce matin. Ne perds pas de vue. Un jour de victoire. C'est un mois de victoire où l'ennemi tombe à nous. Et cette table, nous proclamons la victoire, Seigneur. Nous n'allons plus confondre nos adversaires. Je la sanctifie, je la vie. Au nom de Jésus.

proclame la victoire sur tous les esprits méchants dans les lieux célestes, sur toutes les dominations, sur toutes les principautés. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, août doit être un mois de victoire. Élève ta voix, continue à proclamer la victoire. Continue à prier, bien-aimé. Il y a une victoire qui existe, continue à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur tous les esprits méchants dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans nos maisons, dans l'église, dans le pays, dans la vie, dans les familles. Au nom de Jésus, j'éteins toutes les dominations, toutes les principautés. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Je proclame la victoire dans la maladie. Je proclame la victoire dans la vie des enfants. Je proclame la victoire dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, c'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. Jéhovah, je vais te recommander. Je vais te recommander, Seigneur. Donc, merci, Seigneur. Merci. Que tu remercies le Seigneur pendant quelques minutes. L'ennemi est faible quand on l'a découvert. Remercie le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Parce que je connais mes vrais ennemis. Je connais mes vrais adversaires. Je connais mes vrais adversaires maintenant. Je connais mes vrais adversaires maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'il t'a montré les vrais adversaires. Dieu t'a montré les vrais adversaires. Oh, remercie-le. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Ils n'auront plus d'impact sur toi. Ils n'auront pas d'impact dans ta vie. N'auront pas d'impact dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire du sang de Jésus sur le diable. Il n'a plus de victoire parce que tu as arraché tout le pouvoir. Tu as vaincu à la croix. Et aujourd'hui, nous vivons la victoire. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Nous passons aux offrandes. Nous voulons offrir dans la joie avant de passer au dernier communiqué. Et nous demandons la croix de nous accompagner à tous. Jésus-Christ ressuscité, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. geste de communiquer, nous invitons notre père, papa, ou qui est une soeur. Pendant qu'ils avancent, nous avons une soeur. Nous avons aussi notre soeur qui est venue pour la première fois. Ma soeur, tiens-toi debout, est-ce qu'on peut encore, on peut l'acclamer aussi pour elle. On acclame aussi pour elle. Que Dieu vous bénisse, on est content de vous voir. Après le culte, restez aussi. Nous allons échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Action de grâce. Il y a Maman Brandine qui rend grâce à Dieu pour sa guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu soit béni. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a Maman Béa qui rend grâce à Dieu pour son assistance lors du deuil. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour l'encourager? Toujours rendre grâce à Dieu. Mungu amibariki. Alléluia. Ah, ok, il ne faut pas que j'oublie ça. Le dimanche prochain, nous allons aussi bénir un mariage pendant le culte. Le frère Crispin qui nous a interprété aujourd'hui et la sœur Chati. Chati est où? Chati est où? Je ne l'ai pas vu. Elle est là. Passez devant. Dépose maintenant le micro. Maintenant, on va t'accueillir. Est-ce qu'on peut les encourager? La chorale, la chorale. Est-ce qu'on peut les encourager? C'est bien le mariage. C'est bien le mariage. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. C'est très beau le mariage. Et quand nos enfants nous honorent, venons les honorer aussi. Alléluia. Nous sommes devenus dans un monde très compliqué. Les gens entrent dans le mariage, on ne sait même pas quand ils sont entrés dans le mariage. On apprend seulement qu'ils sont dans le mariage. Mais quand les enfants viennent nous honorer, nous les honorons aussi. Donc soyons là le dimanche. Pendant le culte, nous allons les bénir, apportons des cadeaux, sachons faire du bien aux gens. C'est important. Sachons apporter un sourire à celui qui en a besoin. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous acclamons le Seigneur pour les encourager. Avant de terminer, je voulais vous donner un programme. Bon, je pense que je vais terminer avec Pasteur King. On va terminer avec lui. Il va nous chanter un cantique avant de partir. Je crois que l'équipe est là, peut le soutenir. Mais je vais donner un programme avant de terminer. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour le programme que je vais donner? Alléluia. Alors, je voulais annoncer aujourd'hui à l'église sous féconde les détails de notre croisade. Donc, nous avons notre croisade qui commence le 31 août de ce mois. Alors, c'est une grande bénédiction pour nous et pour toute la vie d'Ilikasi. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour ce grand travail? Pour ce grand travail. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore, acclame pour le salut des âmes. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le salut des âmes. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, la technique, est-ce qu'on peut me projeter l'affiche? Voici les orateurs et les gens qui vont travailler à la campagne. Nous aurons comme orateur le prophète Ézéchiel Sankika. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il fait un très bon travail. Et il est de Bukavu et il sera au milieu de nous déjà le 28. Et nous serons abondamment bénis. Et comme adorateur, nous aurons le frère Alka qui va chanter aussi. Le frère Jared Pongo de Kin qui arrive aussi le 28. Et nous allons mettre notre fille, notre sœur, Gloria aussi de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout cela? Et les autres, c'est maman Elvire et moi-même. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour nous? Voilà, tout le décor est planté maintenant. Donc le travail, il avait déjà commencé. Nous voulons l'intensifier. Je pense que mercredi, ça sera le lancement officiel sur toutes les plateformes. Mais j'ai voulu que l'église ait la primauté et que nous puissions prier pour cela. C'est très très important. Ça sera à la place de la gare le samedi 30 et le dimanche 31. Et cette croisade sera précédée le vendredi d'un banquet d'évangélisation. Nous aurons un banquet au terrain du golf où nous allons convier tout le monde de l'ICACI aussi au banquet. Et samedi, à ce moment-là, nous serons dans notre pleine croisade. Voilà le programme très intense de ce mois d'août. Cela étant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, à partir de demain, lundi, il n'y a pas de secteur. Demain lundi, il n'y a pas de secteur. Toutes les commissions se réunissent. Donc à l'heure du secteur, commission logistique, commission évangélisation, commission intercession, commission sociale, commission logement, commission hôtesse, protocole, chorale, je ne sais pas, il y a toute la liste de toutes les commissions. Donc nous tous nous retrouvons demain à 17h chacun dans son coin. On va ouvrir les salles de la classe. La cour est grande, nous prenons des chaises à gauche, à droite. Nous nous asseyons, on va déjà nous préparer les autocollants pour chaque commission. Nous nous asseyons là-bas pour discuter et finaliser les choses. De telle sorte que le mercredi, quand on va faire le lancement sur toutes les plateformes, que nous soyons tous en mouvement. Voilà le programme. Et mardi, là nous aurons une réunion de la coordination avec moi pour faire les derniers réglages pour que le travail puisse puisse partir. Il y a donc c'est très important pour l'église. Il y a ma sana kwa et nous encourageons toute l'église à faire cela. Na, si vous n'êtes pas dans une commission, kama tu amuna mkomiti mwaflani, venez quand même. Choisissez la commission, tout le monde devra travailler. Chakula komiti lo napenda na mtu wote anapasha kutumika. Tout le monde devra travailler. Mtu wote anapasha kutumika. Mais c'est un très grand travail pour le salut des wapenda âmes. Wapenda na kwa ni kazi munene sana kwa ajili ya wokovu wa manafsi. Nous le faisons chaque année, nous voulons cette année le faire différemment. Tuko nafanya kila mwaka lakini mwaka tulitamani kufanya mwaka kwa cette année que Dieu puisse nous faire grâce. Na tunaamini kusema hii mwaka Mungu atatufanyia neema. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Qui a un téléphone Android dans l'église? Nani anakuwa na simu ya munene mkanisa? Apana Android. Je suis moi munene. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Qui a un téléphone Android? Lève seulement la main. Nani anakuwa na simu mkono Android. OK. Je pense que c'est une occasion. Ninafikiri inakuwa ni wakati. Pour que vous fassiez aussi le travail. Ili nani mupate kufanya kazi. Sur les plateformes. Kuma mitandao yetu yote. À partir de mercredi. Tokea kazi tatu. On va vous expliquer comment ça va se passer. Tutamifasiria gisi kani itaweza kupitikana. Pour que toute l'église puisse bouillonner pour avancer rapidement. Tunapenda kanisa yote ipate kutokota ili tupate kwenda kwa haraka. L'église doit avoir des vues. L'église doit avoir, les gens doivent contribuer. Les gens doivent être connectés à ce qui se passe à l'église. Watu wanapasha kudichomeka kwa ile kunapitikana kanisa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tunamisi tena na unyenyekevu wote. Mettons-nous en mouvement. Tujiweke tena katika tendo. Gagnons les âmes. Tuvute manafsi. Poussons les gens à connaître le Seigneur. Tusukume watu kwa kumjua Bwana. Et je supplie, j'encourage toute l'église à faire cela. Na naomba na kusukuma kanisa kwa kufanya ile. Voilà, c'est très important. Unaona inakuwa ni ya msingi sana. Donc j'aimerais que à partir de mercredi. Napenda tokea kazi tatu. Que toute l'église soit comme nous soyons en mouvement. Kanisa lote nzima chemchem la uzo tukwe katika tendo. Pour ce grand travail qui va se faire. Kwa ajili ya kazi munene itafanyika. Nous voulons vraiment être en mouvement. Tunapenda hakika tukwe katika tendo. Et j'en profite pour rappeler à quelques bien-aimés. Nabeba tena wakati cha kukumbusha wapendo wachache. Nous allons vous envoyer de faire part. Tutamitumia atamabasha pour contribuer à ce travail. Ili mupate kuchangiza kukazi hii.